IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui. Ah oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Un numéro assez particulier, puisque, bon, vous devez l'entendre, c'est un épisode enregistré en live à Lyon. Ouais. Quelqu'un a crié merci pour le film. Merci beaucoup d'être là. Alors oui, pour expliquer aux gens, on est à l'issue d'une projection de Nul et le Roi. On est au Pâté Bellecour, ça fait super plaisir d'être là. Mais je ne suis pas tout seul, car je suis accompagné par l'inexorable, j'ai envie de dire, Jérôme Niel. Oui. Cinéma, scène. Vous l'avez vu dans Vermine récemment, et il est dans Nul et le Roi, voilà, donc je suis obligé de le rappeler, quand même, c'est aussi pour ça que ça va, Jérôme ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu es heureux d'être ici ? Je suis très heureux d'être ici, très très heureux. Tu vas pas. On part pour combien de temps ? Pour 2 heures ? Près de 6. D'accord. Super. Oui, non, un petit peu moins, non, beaucoup moins même, on est sur un petit 1h15, tranquillement. Magnifique. Tranquillement, parce que tu vas... Il y a des restos ouverts après. C'est tout ce que je veux savoir. Des bouchons ! Non mais c'est comme chez vous. C'est une ref. C'est une ref. Hey, vous avez inventé le taco, je trouve. Ah, je les ai eus quand même. Donc, comme à la coutume, je suis évidemment, mais ai-je besoin de le dire ? Je suis avec Adrien Méniel, évidemment. Mais c'est quand même un floodcast classique qu'on va faire. Donc, comme à la coutume, on va jouer au jeu du floodcast. On va plier un classique, j'ai envie de dire. Qui sait ? A priori. Si ça enregistre, hein, parce qu'il faut dire quand même aux gens. Ça se coupe direct l'enregistrement. Donc, peut-être qu'il ne se passe rien depuis peut-être tout à l'heure. Un fiasco. Plus ouais. Ça, c'est un bon slogan pour le Floodcast. Bah, ça peut être un titre. Plier un fiasco. Ouais. Je vais vous poser cette question. Ce week-end a eu lieu le championnat du monde de bouffe et Cocorico. C'est un film avec Christian Clavier et Didier Bourdon que je vous cite. mais c'est aussi le cri qu'on fait quand la France gagne et elle a gagné. Mais un championnat de quoi ? Championnat de bouffe, mais de quoi ? Alors, est-ce que c'est confection d'un aliment ? Tout à fait. Ok. C'est quoi ? Confection d'un aliment. C'est pas un truc de manger, c'est faire à manger quoi. Ouais. Ça pouvait être quoi d'autre ? Est-ce que c'est goûter, par soit exemple. Manger, genre. Ah, les cocos de hot dog. Il est 23h. Ouais. Je suis levé depuis 7h, les gars. J'ai dormi 3h. Est-ce que c'est un plat français ? Oh putain, je sais pas. Oui, je crois. Il me semble, mais je suis pas certain. Bon. Oh, le pire indice que j'ai jamais entendu de ma vie. Est-ce que c'est un plat à base de viande ? Pas du tout à base de viande. À base de pas viande ? À base de pas viande. Vegan. À base de pas viande. À base de pas viande. Oh. C'est très très bien. Ça marche pas, ça sert à rien, mais j'adore. Ouais. Bon slogan du podcast aussi. Donc, est-ce que c'est une pâtisserie ? C'est une pâtisserie. Est-ce que c'est une religieuse ? Ce n'est pas une religieuse. Est-ce que c'est un éclair ? C'est pas un éclair. Est-ce que c'est un pain au chocolat ? Oh, très bonne réponse, Jérôme Niel. Oh là là, mais vous dites quoi ici ? Le petit débat là, qu'on aime bien. Les Autrichiens qui ont inventé le pain au chocolat, donc pas français. Mais ça pouvait être français, je sais pas, je voyais ça un peu. D'où viennoiserie en fait ? Ah oui, putain ! Oh non, mais là, le mindfuck qui me file, le mec ! Mais oui, c'est ça ! Bah ouais, sûrement. Putain, mais t'es un génie. Attends, ce serait une coïncidence incroyable. Sinon. Ouais, c'est sûr. Voilà. Sinon, on appellerait une franciserie. Bien sûr. Le vainqueur. Francis Huster, ça s'appelle. Tu es mort ! Donnez-moi un peu de chocolat ! Un peu de chocolat ! Le vainqueur s'appelle Dimitri Bourdon. On parlait de Didier Bourdon, bah c'est pas loin au final. Non. C'est un énorme honneur, a-t-il estimé, après avoir reçu sa récompense, surtout quand on voit les candidats, les produits qui sont sortis, le jury, ça fait peur. Des choses font plus peur que ça, Dimitri, soyons bien honnêtes. Il s'agit de la deuxième édition de cet événement, donc oui, c'est le concours du meilleur pain au chocolat. Et il faut savoir que le Français a gagné avec un pain au chocolat au poivre de Sichuan. Non. C'est non. Mais c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est du poivre. Ah ouais, oui, d'accord. Je... Oui, non, mais ça j'avais, mais de Sichuan. Sichuan, c'est une région de Chine. Très bien. Agrémenté d'une gelée vous de mandarine. Vous m'arrêtez pas, c'est la vérité en fait. Juste pardon. Agrémenté d'une en gelée. En géo, ce soir, je suis excellent. Agrémenté d'une gelée de mandarine, d'orange amère. D'orange amère. Moi j'aime bien quand ça rajoute amère dans le plat. Tu dis bah oui, bah je chante. La saveur amère, qu'on adore tous là. L'amertume là. Il y a quoi? Trop bon, allez, horrible. Et du gravier, ça vous plaît et ou pas? Stop, stop. Et du jus de yuzu. Voilà. Oui, alors c'est une variété de citron. Mais t'es Dimitri Bordeaux ou quoi? Enlève ton masque, fantôme. C'est la vérité, c'est la pure vérité. Mais je te crois, le prends pas comme ça. Quel est votre petit déj idéal? Bah pas cette merde déjà. Là. Parce que mandarine, orange amère et chocolat et pff, oh non mais il ah a fait n'importe quoi. Oh vraiment, là. Il, c'était un prank à la base, il a gagné, il a fait oh. Qu'est-ce que l'audace, c'est ça. 20 sur 20, bravo. Oh je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Votre petit déj parfait. Ah parfait. Non mais votre préféré quoi, celui qui oh là là, j'ai envie de... demain matin, on est à l'hôtel. Bah déjà, Jérôme, vas-y. Moi c'est des œufs. Eh oui, c'est les œufs. C'est les œufs. Protman. Gros les Protman. Les œufs, du fromage blanc, des flocons d'avoine. Pas de céréales. Des petits frits. Pas de frits. Ah, parce oui. Que frits ça veut rien dire. Ouais. Mais enfin, il est 23h, je crois. Du fromage blanc frit. Truc tout immonde. On va tester ça demain avec Didier Bourdon là. voilà. Non, moi je suis passé sur un. J'ai changé mon modus operandi, mon mindset de petit déj. Avant je buvais du café et je fumais une cigarette. Ouais. Ah oui. Maintenant, j'ai rajouté tout ce que vous venez d'entendre avec le café et la cigarette, bien sûr, ouais. Que j'ai gardé rajouté... pour avoir des dents pourries. Faut pas quand même oublier dès le matin. Tu as rajouté le facteur aliment, du coup, voilà. Dans le. Exactement. Exactement. Ce qui est une très, très bonne idée. Oui. Une composante essentielle. J'ai plus d'énergie, la preuve, je suis réveillé. Ouais. Alors qu'il est né là à 23h14. 23h, t'as de l'énergie, mon pote. Oui. Adri Miel. Le gros méniel. Dis donc. Bon, je sais pas. Je tente des trucs. Celui que je fais le plus souvent, c'est un bon vieux PB&J, beurre de cacahuète avec de la confiture. Petit, j'ai entendu un cri de dégoût, je crois. Ouais. Non, non. Calme. Un mec non, a dégueulé. C'était Si, si. Ouais, ok, c'est bon. Si, si, okay. C'était Mais sur une tartine. Non, sur ma main. Ah ouais, bah peut-être, bah, excuse-moi. Moi, je te voyais se visualiser comme ça. Non, bah oui, un petit sandwich. Et il le trempe dans un bol avec la main, comme ça. Et après, je m'essuie sur mon t-shirt. Comme Winnie l'ourson, quoi. Voilà. Non, ouais, sandwich, beurre de cacahuète, confiture. Et après, hop, tu te le coupes en triangle pour faire les choses bien. Ah, et tu te manges ça devant une bonne vidéo d'Amixem. Mais pourquoi? Pourquoi bouder son plaisir? Non, mais c'est vrai que je regarde YouTube généralement le matin, voilà, au petit-déj. Donc, ah, c'est donc ton t'es fou à toi. Ah, en plus, c'est ça. Non, mais donc bien ça sûr. Peut être une vidéo d'Amixem, ça peut être autre chose. Voilà. Oui. Bon, c'était pas la question, mais je vraiment un peu. Attends, tu chopes le truc en marche, t'es avec nous. Hein. Moi, y a aucun problème. Hein. Tu manges le matin? Ah, moi, c'est une cata. Moi, c'est mon plat. Ouais. Et j'ai réglé le problème parce qu'avant, je mangeais un paquet de Prince entier le matin. Ah oui, bah, tu l'as fait vraiment il y a pas si longtemps. Il hein. Y a deux mois. Mais c'était avant. Oui. On l'a déjà raconté cette anecdote, je crois. Ouais, on peut la repartir. Oui, parce qu'il me dit alors attends, là, deux secondes, je me suis commandé un petit déj. Donc je fais oh là là, le fin gourmet, il se fait livrer des petits déj. C'était un paquet de Prince. Non, mais pas que, j'ai fait des courses. C'était pas que le paquet de Prince. Non, d'accord. Ouais. Mais le non, petit déj que tu te faisais livrer, c'était juste un paquet de Prince. Mais trempé dans du lait. Oui, oui, oui. Et après, je fais vraiment un chat, je bois le lait sans rien. Sans rien. Oui, bah, il y a des gens que ça dégoûte. Hein. Non, mais je mets pas des céréales ou du chocolat chaud. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais oui, et je le lape d'ailleurs. C'est une grande qualité que t'as, oui. Ouais, c'est ça où vraiment je suis un chat en fait. Toi, tu manges tous les Princes et ensuite un bol de lait. Ouais. Bah, il trempe les Princes. Toi, t'es ce connard qui mange toutes les frites. Il y a le mot connard, attention. Toutes les frites au McDo d'un coup. Ah, et après, oui. Juste le burger. Ah, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est moi. Qui fait ça? Ça me rend fou. Qui fait ça? Oh, beaucoup de monde. Et pas tant, en final. C'est presque 50-50. C'est fou. Ouais. Ah, parce que, ah oui, vous allez la réponse de connard, mais parce que pour pas que les frites refroidissent. C'est ça ou pas? Oui, bien sûr. Et le burger, il peut refroidir, on s'en fout. Bah oui, non, mais ça n'a aucun sens, c'est une boîte. Je dis bien, ils sont débiles. Mais il est dans une boîte, le burger, qu'il se raconte. Mais dans une boîte, mais mon pauvre ami. La boîte, elle est sur le bin depuis 2 heures. Je travaille au McDo, je connais quand même. Attends. Je connais, il est froid depuis longtemps. Bon, enfin, bref. Il est froid depuis hier, en vrai. Voilà. L'opposé sur la capote de bagnole. Excusez-moi, je suis encore un peu énervé du pain au chocolat de tout à l'heure. C'est pas un pain au chocolat, si tu rajoutes 1000 trucs, c'est plus un pain. Pardon, ça m'énerve. Kimberly Winter détient un record dans le Guinness Book. À votre avis, lequel? Comment serait là? La personne qui a le plus le nom d'un personnage de sitcom américain. Peut-être le record. Ce n'est pas ça. Kimberly Winter. Alors, est-ce que c'est une prouesse physique? C'est une prouesse plutôt physique, ouais. Moi, plutôt, je mettrais mais ça. Pas 100%. Mais parce que j'ai toujours peur de mal répondre avec toi. Alors, tu attends, m'impressionnes. Alors, est-ce que c'est genre pété? Bah, on n'est pas loin. Chier? Pas chier. Pardon, hein. Roté? Oh, pardon, ils savent où ils sont, hein. Ah, roté. Ouais, ouais, non, mais. Ils sont à la maison, hein. Non, mais quand, quand tu es en eye contact avec les gens, c'est tout de suite plus. Pour les gens qui sont pas là, ils sont à 50 cm de moi. C'est la différence entre regarder un porno et voir des gens baiser. Ouais, c'est vraiment. Voilà. C'est vraiment. Voilà. Oh là, en fait, c'est horrible. Voilà. En fait, c'est horrible ce qu'ils font. Oh non. Tu ça me met mal à l'aise. Deux personnes sont en train de baiser au deuxième rang, j'imagine. Oui, oui. Pour les auditeurs. Pour les auditeurs, voilà. Ça baise au deuxième rang. J'essaie de pas regarder, mais ça me gêne un peu. Roté. Alors, il s'agit. Le de... rond le plus fort en décibels. 107 décibels. Que vous. Qu'il est fort. Il à faut quoi que... ça équivaut. Alors ça j'imagine que c'est de l'effort. Bah, tu me connais bien. Effectivement, ça équivaut à un concert de rock ou à un bruit de marteau-piqueur. Non, mais n'importe quoi. Il faut savoir que si cette femme rotait dans une boîte de nuit en France, elle pourrait se faire virer parce qu'on doit pas mettre plus de 102 dB. Non, mais 102 c'est décibels. Un... Ah oui, c'est pas pour l'euro. C'est juste. Non, non, là, trop fort. Trop fort. Bien sûr. Vous êtes pas dégueulasse du tout. D'accord, non. Mais alors, niveau bruit, c'est insupportable. Allez, hop. Je vous fais quand même écouter. Ah oui, la dame. Oh, génial. Je l'ai. Quoi? Eh ben quoi? Ben c'est le Floodcast, fallait savoir. Alors bon, si vous êtes rototophobe. Il y a des rototophobes. On se bouche les oreilles. Voilà, vous pouvez boucher les oreilles. Alors attends, ah, tu veux le mettre en double stéréo? Ah ouais, je comprends. Bon, mettons les trois micros, faisons un truc. Non, mais elle hurle. Oui, là, c'est là où tout le monde applaudit en disant « Oui, elle a battu le record !» Non mais attends, oui, tu rotes et tu fais « Ah !» en même temps, c'est pas un ro fort, c'est juste que tu hurles en même temps. Vous voyez qui est Hugo Décrypte? je vous présente Adri Debunk. Non, il est là, pardon. Il fait « Non mais vous essayez, là vous essayez de me la mettre à l'envers. » Bah non, mais oui, là, c'est le Guinness Book, mon pote, ils savent ce qu'ils font quand même. Non, justement. Ah, tu penses pas? Non, oh le vieux monsieur. Non, non, non. Attendez. Ils sont hyper corruptibles, justement. Toi, t'as pas lu tous les trucs, toi. Ils sont corruptibles à fond, il suffit de leur filer de la thune et ah ouais un record. Bah, mon pauvre ami. Oh là là. Oh la terre est plate. Bah, ouais. Excuse-moi. Arrêtez vos conneries. Qui a fait le tour du monde? Bah, oui, bien sûr, le record du tour du monde. Quel est votre talent caché à vous? Qu'est-ce que vous qualifieriez de talent caché? Quelque chose que vous savez faire? Moi, c'est attrapter. Les crampeter. Non, attraper jeune. Des petits aliments avec ma bouche qu'on me jette à distance. Jérôme. Ton talent caché. C'est pas oh là là, aussi bah, impressionnant. Écoute, mon pauvre vieux, me regarde pas avec ses yeux. Ton talent caché. Enfin. Qu'est-ce que j'ai pas ta, j'ai ça là. Oh. Pas mal, oui. Pas mal, on est à nature découverte. Ouais. Quoi ouais, c'est pas goûte. Mal. C'est bien, mal. Moi j'aime j'en bien. Ai d'autres, mais je peux pas les. Ouais, d'accord, ouais. Bien enfin, sûr. Je sais pas en tête. Selon une étude de l'université de Brown, qu'est-ce qui augmenterait les chances de rupture au sein d'un couple? Mais, oui, beaucoup de. Ah okay. Oui, je vous demande un truc un peu augmenter... si c'est trompé ou des choses comme ça, oui, c'est assez logique. Quelque chose qui augmenterait, un peu insolite, quelque chose qu'on n'imaginerait pas. Se qui... marier. Non, non ce n'est pas ça. Peut-être. Ce n'est pas ça. Non, pas un. Oui. Ah, merci pour le film. Merci beaucoup. Merci pour le film. Qu'est-ce qui augmenterait les chances? Les chances de rupture. Alors attends, est-ce que c'est quelque chose que fait une des deux personnes? Eh ben pas du tout. Très bonne question puisque ça ne concerne ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est géographique? C'est genre pas géographique. Sichuan ou Vienne? Non. Est-ce que c'est sur les enfants? C'est pas les enfants. Ça concerne les couples avec ou sans enfants, homo, hétéro, tout est possible. Ok, donc ce n'est pas quelque chose qui est fait. Donc c'est quelque chose de... Comment dire, de subi par les deux, exactement. Les deux, en fait. Exactement. Quelque chose d'environnemental, en fait. T'as dit quoi? L'habitation? Non, pas l'habitation. J'ai demandé géographique. T'as cru que c'était la bite, mon pauvre ami? Évidemment. On l'a tous su, mais on s'est retenu. Je comprends, j'aurais fait pareil. Est-ce que c'est matériel? C'est pas matériel. Est-ce qu'il y a des idées un petit peu là dans le public? Ouais. Comment? On me dit la météo, alors ce n'est pas la météo, ce serait fou. Mais oh, dit, il pleut, stop. Bah non, pas. Mais ça agit sur le moral et du oui, coup, oui, non, mais machin. C'est non, non, une mais blague, oui. J'essayais. Oui, oui, oh. Non, mais je veux dire que c'était pas idiot. Non, mais c'est Adri Debunk, il est de retour. Adri arrondit les angles. Okay. Ma chaîne non, YouTube. YouTube. Je lance pas mal de chaînes. Dès qu'il y a des conflits, drama, je fais écoutez, je pense qu'on peut tous s'écouter. Ouais, ouais. Vraiment. Oui. Pas spoiler les séries. Ah, mais ça, c'est une action. Pas La Belle Famille. Pas la série Notre l'alcool, Belle Famille. Oui, ouais. Ça, oui, l'alcool, oui. L'alcool, ouais. J'en suis la preuve vivante. Mais ce n'est pas enfin, la réponse. Pas à moi. Ce n'est pas la bonne réponse. Pas les vacances. Pas les quoi ? Les phases de la lune. T'imagines bien que je me serais pris une droite d'Adrien si c'était ça la réponse. Bien sûr que ce ne sont pas les phases de la lune. Quelqu'un a dit quelque chose par là-bas ? Oui, ouais, ça, voilà, là, c'est très niche, mais ça peut, moi, ça pourrait. Vraiment. Ouais, ça peut être motif. Pas la laine, pas l'odeur des pieds, mais c'est bien, on apprend tous sur vous tous. Là, on voit ce qui est motif de rupture chez vous. Pas la cuisine, c'est un truc un petit peu. Ça, en fait, je vais vous donner un indice, ça concerne d'autres gens. Ah, les amis ? Ça, pas selon ce qu'on mange, pas les voisins. Pardon ? On le fera pas sur chaque question. Là, on le fait là parce que c'est bonne ambiance. Ouais, ouais. On le fera pas à chaque question. Non. Les collègues du bureau ? Pas les collègues. Ah, bah, ça peut être les Est-ce collègues. Est-ce que c'est du des bureau. Gens qui sont proches d'une des deux personnes ? Oui. Pas les voisins. Pas le patron. Enfin, en vrai, de vrai, ça peut être tous ces gens, mais c'est pas la réponse. La réponse, c'est. Je vais vous le donner, ça va vous énerver sûrement, je pense. Attends. Pas le regard des autres. Pas les messages qu'on reçoit. Pas les amis en commun. Pas les animaux. Pas les messages. Bon, c'est n'importe bon, quoi. Alors, si vous dites. Généraliste. Au bout d'un moment, si c'est pour dire n'importe quoi. Ouais. On a une certaine rigueur dans le podcast, s'il vous plaît. Le pipi. Je sais pas. Très bonne réponse. Non, non alors attends. J'ai... C'est un type de personne. Est-ce que c'est un type de personne? Non, c'est une action que font les gens. Ah, ah. Ah, est-ce que... ah je sais. C'est liker les posts Instagram? Non. Ah, ça aurait été pas mal. Cela ouais, dit. Cela dit, j'ai envie de te l'accorder. Enfin, je veux dire, quand d'autres gens like. Bien sûr. Est-ce que c'est les ex? Non. C'est pas les ex. Ok. Vas-y. Pas critiquer les autres, c'est ce qui soude 90% des couples. Vraiment, l'inverse est-ce total. Que c'est l'action d'une personne extérieure à l'égard du couple. Non, à l'égard d'elle-même, et ça influence le couple. Waouh. À la manière d'influenceur. Mais donc... La chanson de Squeezie, bien sûr. Ah oui, c'était pas mal. Quelqu'un. La rupture des autres, très bonne réponse. Bravo. Ok, c'était bravo. C'est... Réponse collective, les Lyonnais, bien sûr. Mais en vrai, oui. Après le Covid, il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés. Et je pense que bon, il y a eu le Covid. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu peut-être aussi un effet un peu boule de neige. Quoi. Peut-être. En effet, lorsqu'un proche se sépare et que l'on est avec quelqu'un, on se pose automatiquement la question est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple ? C'est ce que nous dit le psychologue qui a été interviewé. Les chiffres de l'étude parlent d'eux-mêmes. Vous avez 75% de chances ou risque à vous de voir supplémentaire de divorcer par rapport au taux de divorce global si un de vos proches divorce. 33% c'est si c'est l'ami d'un ami. Et en fin de compte, ce phénomène a un nom. Il s'agit de la contagion sociale, comme le précisent les chercheurs. Par définition, c'est la propagation d'un comportement ou d'une émotion. Donc là, c'est hors séparation, c'est en général. La propagation d'un comportement ou d'une émotion à travers un groupe ou un réseau. En divorçant ou en se séparant d'un conjoint, vos proches peuvent simplement vous donner envie de le faire aussi. Genre, même ça me donne du courage. Je n'hésitais pas trop. J'hésitais, la personne en face le fait, s'en sort, n'a pas l'air si déprimé que ça. Et si je le faisais ? Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Eh ben, pas mal. Et on en apprend un peu tous les jours. Alors, prochaine question, on la boucle, hein, par contre. Ouais. Il y a quelques semaines, des quartiers parisiens entiers ont été plongés dans le noir. La raison, un bug informatique, mais facilement explicable. Comment ça se fait ? Alors, qui a une idée ? Non, attends. Dans certains quartiers parisiens, c'est ça ? Quasiment tous, en vérité. Oh. Quand ? Alors, je peux pas dire la date, mais c'est, en tout cas, c'était il y a quelques semaines. Ah, donc la date fait partie de la réponse ou non, juste tu la sais pas ? Peut-être. Ah ah ! C'était donné un gros indice. C'était le 31 décembre ? Non. Non. 1er janvier ? Non. Les crêpes là ? Non. Mardi gras ? La chandeleur ? La chandeleur ? Non, mais est-ce que la date. Oui. Ah oui. Bah, oui. Regarde-le. Ok, d'accord. Il n'a pas prévu la date. Ah, est-ce que c'était. Non, gardez la réponse. Ah oui, bon, bah c'est merci. Si c'est plus court, le floodcast, ce sera à faute de cette. Et oui, c'était la nuit du 28 au 29 février, effectivement. L'origine de cette coupure serait liée au 29 février, date exceptionnelle, qui plus est, s'il en est plutôt d'ailleurs, du calendrier en raison d'une année bissextile. L'opérateur Cielis nous a indiqué que le problème était lié à un défaut de programmation s'agissant du 29. Du coup, bah forcément, ça bug parce qu'ils se disent bah, ce jour n'existe pas, donc nous n'allons pas nous allumer. Et voilà, bug informatique, Jean plongé dans le noir. C'était un peu mignon ce truc-là. Oui, bon, ouais, voilà, bon, ça a été un peu gâché. Mais voilà. Il y a des gens qui ont trop fait. Oui, on peut. Vous savez, on coupe des trucs au montage dans le podcast. Vous savez, là, vous avez les insides, mais Une collision a eu lieu entre deux voitures à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Mais une collision assez ironique, à votre avis, pourquoi ? Deux ambulances ! Imagine le truc ! C'est ça ? Non, c'est pas ça, mais un corbillard, c'est ce genre de truc. Non, pas un corbillard. Est-ce que c'est des véhicules un peu rigolos ? Le véhicule n'est pas rigolo, mais il y a une ironie dans ce véhicule fait de dépannage. Ah, pas le véhicule de dépannage. Corbillard. Pas corbillard. Je viens de le dire. Non, mais attends. Ouais, ouais. Tu l'as pas dit comme moi. Non. Ambulance. Si c'était corbillard, je l'aurais accordé plutôt à Jérôme. Ah, ok, ouais, je comprends. Franchement. Je comprends. Est-ce que c'était les deux mêmes véhicules ? Auto-école. Très bonne réponse de Jérôme Niel, pardon. Alors, comment ça, à ton avis ? Est-ce que, à ton avis, auto-école. Ouais, ouais. C'est Jérôme, malheureusement. Priorité à droite. Non, à les deux priorités à droite, et ça fait comme ça. Et ça fait Zumba Café, même, j'ai envie de te dire. est-ce que, à ton avis, c'est la voiture d'auto-école qui s'est tapée, ou est-ce que. Comment ça s'est passé, à ton avis ? Ouais. C'est ça. C'est la première version. Non, c'est pas ça. En fait, attends, c'est pas deux voitures d'auto-école ? Non, c'est pas ça. Ah bon ? Non, justement, ce qui s'est passé, c'est assez ironique. La personne faisait un créneau ? Non. En fait, c'est la voiture d'auto-école qui a été percutée par un gars qui prenait ses cours d'auto-école dans la même auto-école, qui a donc conduit sans permis. Ah, oui, d'accord. Pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Pas mal. Ah, mais donc, on n'avait qu'une partie de la réponse. D'une certaine manière, mais oui. Je pense que vous auriez... Non, mais j'avais dit la deuxième partie. C'est vrai que tu l'avais dit. Il l'a dit hors micro, mais il me l'a c'est dit. C'est ça. Le conducteur roulait donc sans avoir encore décroché son permis. Il a été verbalisé. Tu m'étonnes. Mais ouais. Est-ce que du vous coup, vous ils ont partiré des points, du coup. Ouais. Bah non. Mais tu sais que moi, quand j'avais fait 3 tonneaux en voiture... parce que je suis un fou de cascade. Non, j'ai juste eu un accident. C'est Alban Le Noir, ce mec. Ouais, je suis Ryan Gosling dans Drive, tout simplement. Donnez-moi un cure-dent, je le mets dans ma bouche. Oui, bah écoutez. Quand j'ai eu mon permis, et une semaine après, j'ai fait 3 tonneaux en voiture. Alors, c'est juste, j'ai eu un accident bête, j'ai mordu la côté, il pleuvait. Ma voiture a patiné sur le côté arrière. T'as mordu la côté ? Ouais, bah tu sais, sur les nationales, il n'y a pas forcément des barrières, quoi. Ok. Non, je connaissais pas, t'as mordu la côté. Ça se dit pas, mordu la côté ? Mordu la côté. En fait, je veux animer un Club Med. Je fais un podcast, mais je m'en branle. Moi, je veux, voilà. C'est vraiment pas si loin. Ouais, en fait. On s'y approche de jour en jour. Oui, et donc ma voiture est partie en arrière. Et donc, j'ai eu le mauvais geste de vouloir braquer pour me remettre sur la route. Et du coup, je suis parti en tête à queue, 3 tonneaux en voiture. Mais pas de blessé, je me suis juste pris du verre ici un petit peu. Mais voilà, j'ai fait 3 tonneaux. Et ce qui m'avait surpris, il y a eu un bravo. Dit bravo. Ouais, bravo, ouais. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. On a vérifié mon permis et j'ai été surpris, on ne te retire pas de points. T'as pas fait de faute vraiment, et donc du coup, il n'y a pas vraiment de. Tu vois, c'est vrai que ce serait un peu dur quand même. Non, mais ils m'ont même pas soufflé dans le ballon, rien. C'est juste tout seul comme un con, ils ont dit bon, alors lui. Après, là, on est peut-être sur de très mauvais flics aussi. Oui. Pas soufflé dans le ballon, c'est, ouais, c'est peut-être la moindre des choses de le faire quand même. Bah écoute, en tout cas, je l'ai pas fait. Bon, bah écoute. Bien joué. Bravo. Est-ce que vous vous souvenez de vos moniteurs d'auto-école, vous ? Ou monitrices d'auto-école ? Ouais. Toi, tu l'as eu récemment, cela dit, Adrien ? Bon, il y a 10 ans, quoi. Bah, c'était tard pour... Ah, tu veux dire que j'étais déjà vieux, c'est ça que tu veux dire ? J'essayais de le faire un peu... Oui, parce que récemment, non. Donc, j'ai relié les points, c'était insultant. Très bien. Non, oui, je me souviens de plusieurs. Alors, le tout premier que j'ai eu, qui... le mec, en fait, ne m'expliquait rien. Donc c'est trop bien. Non, c'est-à-dire qu'au début, on a fait la conduite où juste je tournais le volant et lui faisait le reste, il passait les vitesses et tout. Et donc je savais, mais il m'avait pas appris à genre passer vitesse, débrayer, machin et tout. Et à un moment, il m'a dit allez, vas-y. Donc j'ai calé. Et il a fait oui bah tu as zappé l'étape de m'apprendre comment on fait en fait. Je n'ai pas et il me disait aussi ah ouais là j'ai un élève, il est tout jeune, il n'a jamais conduit de sa vie, il sait tout faire. À mon avis, c'est parce qu'il joue aux jeux vidéo. Je fais, non, il a conduit avec son père, abruti. Évidemment, c'est pas en jouant à GTA qu'il a appris à passer des vitesses. Tu vois. Non, et il m'emmenait à des endroits aussi pour... Il me disait, garde-toi là. Et après, il disait, va là-bas et demande-le. Ils vont te donner une enveloppe pour moi et tout. Enfin, je faisais ces... Quoi ? Mais donc, c'était un dealer ? Non, mais... mais donc, j'ai fait quasiment toutes mes heures de conduite avec lui avant d'avoir le courage de dire... Bon, en fait, ça se passe pas bien avec ce gars. Est-ce qu'on pourrait changer ? Il a pris sa retraite quoi, juste après. Donc en fait, il s'en battait les couilles, c'était ça le truc. Et j'avais un. Après, j'ai eu un autre qui lui m'expliquait très bien, mais qui me donnait d'excellents conseils puis qui me disait t'es stressé ? Bah franchement, ça sert à rien. J'ai dit, ah bah cool, merci. Je vais arrêter du coup. Je le faisais vraiment. Je pensais que c'était un truc très constructif que je faisais sciemment. Et aussi, il disait, alors, cette expression très très malheureuse, il disait la conduite, c'est pas le cancer, c'est pas le sida. Hein. Je disais, oui, effectivement. Bah ça, ouais. Ça me déstresse pas tant. Ouais. Mais effectivement, c'est pas ça. C'est très juste. C'est quand même source de stress, ouais. Toi. C'est un spectre, en fait, je pense. Hein. Et puis, franchement, j'ai pas les chiffres. Je pense que ça cause beaucoup de morts aussi. Hein. Potentiellement plus, même. Voilà. Et voilà. Les deux dont je me souviens. Pas si mal, pas si mal. Pas si mal, pas, ouais, si mal. Pas si mal. Toi, Jérôme ? Moi, j'ai le souvenir d'un moniteur qui était vraiment très, très pisse. Un peu, j'avais l'impression, mais je pense qu'il ne l'était pas du tout, mais qu'il était foncedé, mais il n'était pas foncedé du tout, c'était naturel. Et du coup, c'est marrant parce que le contraste entre quand tu es stressé et quand tu te gourdes de direction ou quoi, et que lui, il appuie soit sur les pédales ou soit il met la main au volant, il le faisait, mais on allait droit dans un fossé, lui, il faisait « Non, mais t'inquiète. » Voilà. Et tu sais, il mettait la main sur la volée, tu sais, il avait le timing à chaque fois parfait, et toi, t'étais avec des gouttes de sueur, si on va mourir, Et lui, il faisait « Attends, voilà. » Ça. Et ou sinon, priorité à droite, clac, il appuie sur le truc, il fait qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, il essayait de dialoguer, et là t'as le Smilmork qui manque de nous frôler, tu vois, comme ça. Mais tu vois, regarde Smilmork, ça on meurt hein, direct. Allez, on y retourne juste après le rond-point, tu prends à gauche. Et donc, c'était, tu sais, il te déstressait, c'était assez, assez marrant, mais il arrivait à tout anticiper, c'était très fort. Ah, moi, et vous avez pas fait la conduite dans votre toit, non, la conduite accompagnée ? Si, t'as fait toi ? Oui, ça va, oui, j'ai des vieux, c'est bon, on a. Pas besoin de. J'ai fait la conduite accompagnée. Écoute, c'était des descentes dans le sud en vacances assez stressantes. Ah oui, donc des grosses routes quand même, des ouais, trucs. Bah ouais, mais en vrai, c'est facile, c'est tout droit. Là. Oui, c'est vrai. Ce qui est plus difficile, c'est quand tu entres en agglomération. Bien sûr, évidemment. Comme on dit chez toi. Voilà. Bien sûr. C'était les Oscars il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Le chien, là. Oh. D'ailleurs, je voulais dire qu'on foute la paix à ce chien maintenant. On a bien ri. Là, il va faire un burn-out maintenant. Donc, qu'on le laisse tranquille un moment, ce chien. Qu'on lui gratte le ventre, qu'on arrête de lui faire des galipettes, là. C'est fini, c'est bon, merde. Non, bah, c'est mon coup de gueule. Non, mais il est dans le prochain Marvel. Adrien arrondit les angles. Ah, t'as pas arrondi les angles. Mais tu les apolis, ouais, non, mais ah, faut la... pas se cogner sur l'angle d'Adrien, ouais, là. On peut se faire très mal, là. Ah, ouais, ouais. Attention. C'était les Oscars, donc il y a pas longtemps. Ouais. Je vous demande ce qu'on trouve dans le gift bag, à savoir le sac cadeau des Oscars, avec ce petit indice. Chaque sac valait quand même 180 000 euros. Oh, et wow. On demande des... Eh ouais, pas mal, hein. 180 000 euros, le petit sac souvenir des Oscars. Mais c'est qui avait ce sac ? Tous les gens invités. Le chien l'a eu. Attends, le gift bag... Dans la salle, là ? Oui. Mais il y avait au moins 1000 places. Eh bah, fais le calcul, mon pote. C'est énorme, hein. 10 000 balles. Ouais. Non, mais je pense que c'est les gens très connus, je pense qu'effectivement. Ah, je pense oui, que peut-être pas tout le monde. Chien l'a pas eu, oui, d'Anatomie d'une chute, bien sûr. Et le mec qui tenait les pattes du chien allongé sous la chaise, là. Je peux vous prendre... Vous avez oublié votre sac ? Je peux le prendre, peut-être. Peut-être je peux le ramener chez moi. À votre avis, il y a quoi ? Des bijoux ? Alors, il y a des bijoux, effectivement. Il y a, je peux vous le dire, un sac dans le sac, d'ailleurs, un sac un peu, comment dire, cher. Il y a d'accord. Des vêtements, voilà, je vous donne les trucs un peu faciles. Il y a des trucs un peu plus insolites, disons. Un petit Oscar en or ? Il y a, avec votre nom, plus meilleur papa dessus. Meilleur beau-frère ? Non, il n'y a pas ça. Je vous en donne des petits comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs liés au cinéma ? Ouais, ou à, fond, à fond, à fond, ouais. À fond, ouais. Pas de caméra. J'en sais rien. Je peux vous le dire, il y a trois nuits dans une villa privée de Saint-Barth, c'est des trucs un peu moins foufou que je vous donne. Ouais, quand même. Voilà, une retraite de 7 jours dans une clinique de bien-être. Voilà. Ce qui est fou, hein, ouais. Tous ces gens sont millionnaires, hein, faut le dire. Ouais, mais ouais, voilà, ouais. On rajoute un petit peu. Une escapade dans un chalet suisse 5 étoiles pour 9 personnes, le chiffre est énorme. Ouais. Quoi ? J'ai pas 9 amis, je vous le dis. Hein, j'en ai... Tu me dis 9, oh, arrondissez à 3, vous embêtez pas. Et il y a des trucs un petit peu plus un peu plus. Il y a des trucs qu'on peut trouver encore. Ah ouais, okay. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pensez un bitcoin. Un bitcoin. Hein. Une pièce comme ça. Non, il y a pas de bitcoin. Quelqu'un a une voiture dans le sac. Oui. C'est un très gros sac. Déjà, le fait de dire un truc était déjà dérangeant. Je suis content que des gens le voient en vrai. Cinéma. Une voiture. Des gens en ont ici. Des gens en ont. Des attends, quoi ? Il y a des gens qui en ont. Place ici. De cinéma ? Non. Ah, des sièges ? Une carte UGC limitée. Des gens pâté. Pâté. Une carte pâté. Aïe. Putain de merde. Putain. C'était le seul ciné qui nous a pas donné le microscope. Jamais Justine Triel aurait fait ça, vous m'entendez ? C'est pour ça que vous êtes des merdes et qu'il est aux Oscars. Attends, un truc qui est lié au cinéma et tout le monde gens en a ce ont, non, pas tout le monde, des gens en ont là dans la salle. Mais c'est lié au cinéma. Bah oui. Du popcorn. Bien joué, du popcorn gourmet. Ouais. Ah ouais, bah tu crois pour pas une valeur du poivre si ouais, voilà, c'est ça, avec un peu de yuzu. Il y a d'autres trucs. Il y a des trucs pour les animaux. Des croquettes. Des croquettes véganes pour chats. C'est très spécifique. Oh, alors, ça, alors attention, parce que ça, normalement, c'est impossible. Ah ouais? Non, bah, non, c'est Hollywood, mon pote. C'est pour ça, bah oui. Non, non, non, non. Non, mais les chats, normalement, ils ne peuvent pas survivre sans taurine. Ah non, mais le chat meurt dans la semaine. Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que les croquettes pour chats véganes, normalement, ça n'existe pas. Bah, d'ailleurs, il y a un four crématoire. Ouais. Pour un petit. Petit, ouais. Petit, voilà, pour chat. Mini comme ça. Écoutez, je vous donne un barbecue portatif. Non, voilà. Mais c'est ah, il y a eu un non. Oh non, non. Une plancha. Genre, Meryl Streep, on lui donne un barbecue portatif. Non, mais attends, attends. Foutez-vous de ma gueule. Raphaël Quenard, peut-être, mais pas Meryl Streep, je vous en supplie. Ou alors peut-être une boîte à troubadour, à la limite. Ouais, ouais, voilà. Non, mais quelle est la taille de sac, pardon? Non, a, oui, pardon, c'est un gift shop. Ah, ouais. T'es un... Bah après, oui, Brie Larson, elle va chez Darty, elle dit, excusez-moi, on va donner ça. Donc, il mise sur le fait que personne va aller récupérer son ah, truc. Ah, c'est possible, oui, oui, c'est possible. Bah, c'est attends, possible. Mais moi, je débunk. Non, putain, mais Adrie débunk. Mais Adrie débunk. Voilà. Et je vous donne le dernier qui, je pense... peut mettre Adrien sur une petite planète où il sera heureux, un show privé avec un mentaliste. Oh là là. Bah, alors, attention, qui est Fabien Olicard d'ailleurs, faut le dire, c'est Fabien Olicard qui le fait. Non mais le mentalisme, c'est un vrai truc. Oui, oui, oui. C'est pas, c'est, enfin voilà. Oui, oui, c'est oui, pas oui. Genre lire dans les pensées, c'est pas genre mesmer. Analyser les. Oui, oui, oui, bien sûr, donc, bien sûr. Voilà. Je rêve ou tu viens de me redébunker? Je t'ai débunké. Non, mais attends, parce que tu dis, oh, il va râler et tout. Pas du tout. Tu vois, non, je suis jamais là où on m'attend. T'es insaisissable. Suis-je saisissable? Pas du tout. Oh non. Oh, j'y arrive pas. Oh là là. Je suis un fantôme, c'est Ghostbuster. Non, non, nous. Oh Laura, non, le 10 deux avril. Films sortent le même jour, c'est pour ouais, ça que je dis ça. J'aurais dû le dire avant, c'est raté. Allez. Adrien, Jérôme, tu as été invité récemment à une petite cérémonie de remise de prix, à savoir les Césars. Oui. Est-ce que tu as eu un petit gift shop? Est-ce que tu as eu un petit sac avec... Pas gift shop, gift bag pardon. Ouais. Candy non, shop. Non, pas de cadeau, rien. Pas du rien. Ah non, mais si, attends, si, enfin non. Il les a oubliés, c'est catastrophique. Non. Ouais. Fais une micro-sieste. Mais j'ai été invité dans une sorte de suite où tu peux prendre des petits cadeaux et tout. Ah, sympa. Et t'as pris quoi? Beaucoup de bougies. Ah, ok. Ah, et c'est pas le même standing. C'est la France, hein, c'est pas chose. Le même standing, ouais. Les amis. Et j'ai découvert en revanche qu'il y avait un voyage, je sais pas, sur une île et tout, paradisiaque, ouais. Mais pas pour Wham. Oui. Mais faut dire que Vermi n'a pas gagné de César, donc oui, malheureusement, tu vas pas ça. En plus espérer. Mais c'était avant les Césars, avant la cérémonie, tu passais avant la cérémonie. Ah ouais. Et je pense que pour certaines personnes, ils avaient le droit à ce truc-là. Moi, j'ai vite compris que j'y avais pas droit. Ouais, moi, c'était les bougies, une sorte de châle. Tu passais après le chien. Il y avait plein de trucs, il y avait plein de goodies, en fait, plein de goodies. Ouais. Donc j'ai ramené 3-4 bougies. Des figurines pop, étonnamment. Mais c'était un peu tout, quoi. D'accord. Et quand ça s'est ça passé la soirée? Ça fait pas rêver, je dois admettre. Hein. Ouais. Oui, non. Mais la soirée après, au Phuket, tout ça, sympa. Ah oui, on n'y est pas allé. Ah ouais, ouais. Ah, est-ce que vous aviez perdu? Vous avez dit ça va nous saouler? Ouais. Je connais un peu Sébastien Vanitschek. J'avais très faim et on est rentré chez Wham avec Seb pour manger de la fast-food. Ah oui, voilà. Voilà. Mais c'est ça aussi. C'est ça exactement. Aussi. Pourquoi et c'était très bien. On a regardé un extrait de 90 minutes enquête. On était comme ça. Putain, c'est dingue quand même. Le mec il conduit bourré et il l'arrête quoi. Voilà. C'est trop fort. C'est trop ça. Fort. Donc, ouais, on n'est pas allé au Phuket après. On est resté vrai, tu sais. Et nous, on se fait pas choper par le Cinoche, nous. Des fans de football américain ont dû être amputés de leurs doigts suite à un match de leur équipe favorite. Je vous demande pourquoi. Parce qu'il faisait froid. Alors, oui, mais à quel niveau il faisait? Enfin, moins très, très froid, mon gars. Bonne réponse. Non, il faisait effectivement extrêmement froid. Je vais quand même vous raconter. Mais attends, allez, tu te fous de sa gueule parce qu'il a dit très froid et tu dis extrêmement froid. Non mais c'est bonne réponse. Ah, okay. Oui, non, mais c'est bonne réponse. C'est le 4e match le plus froid de l'histoire de la NFL qui s'est joué le 13 janvier dernier entre les Kansas City Chiefs et les Miami Dolphins. Personne ne comprend ce truc. Si, si, les gens font semblant. Si, moi je me souviens, les Miami Dolphins, ils étaient sur derrière la boîte de céréales de Golden Grahams. Ah oui, c'est vrai. Vous en souvenez? Les vrais, on l'a. On est 6. Je sais pas. Moi, j'ai plus souvenir de trucs de basket. Moins, vous êtes encore moins que 6. Hein, on je crois. Est 1. Ouais, c'est ça. Il y en a juste par politesse. Ouais, bon, alors. Et c'était sans doute une équipe de basket et tu confonds. Non, non, mais Miami Dolphins, gars. T'es gosse. Tu confonds avec le tigre de Frosties. Ce n'est pas du tout un dauphin. L'ambiance est électrique car c'est le début des sélections et les Chiefs sont grands favoris. Mais problème, il fait moins 20. Il fait tellement froid que Patrick Mahomes perd un bout de son casque fragilisé par la très basse température. Et ça, j'adore, et je pense que ça peut te plaire d'ailleurs. L'entraîneur des Chiefs, un moustachu, doit prendre une pause pour se faire dégeler la moustache. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour se faire dégeler la moustache? On aura peut-être un petit sèche-cheveux. Ah non, je crois que c'était une pause. Non, il a fait une pause, pardon. Il a fait une pause et il s'est fait dégeler la moustache. Voilà. Qui est une expression pour la masturbation féminine également. Ouais. Je vais me dégeler la moustache pendant une petite demi-heure. Oh, mettez-moi un film avec Adam Driver. Alors, La température ressentie, parce qu'il y a la vraie et la ressentie. Moins 40. Moins 33. Du coup, c'est décevant. T'as fait comme ma meuf. Ma meuf, elle fait un truc. Je lui dis oh, putain, le gars, il a eu un salaire de ouf sur le film. Bah, vas-y, devine. J'ai pas un million. Je fais bah non, moins. Mais du coup, du coup, la réponse est décevante. Moi, c'est ma mère qui m'avait fait ça. Ouais. Je lui avais dit je vais avoir un rôle dans Bref. Elle m'a dit un rôle récurrent. Je dis non, du coup, c'est vraiment non. Un tout petit rôle. Voilà, bah, ma nouvelle est nulle, du coup, désolé. Ouais, faut pas sachant que j'étais pas acteur à l'époque, hein, donc ouais, ça n'avait aucun sens qu'elle dise un rôle récurrent. Non, bien sûr. Oui, que non. Récurrent, c'est un peu. Faut non. connaître le métier. Non, ouais, mais ouais, un gros rôle, enfin, ouais, un truc, ouais. Je sais plus ce qu'elle avait dit exactement, mais vraiment, un truc, c'était sûr que c'était pas ça, quoi. Non, non, bon, bah, voilà. Ah, tu remplaces Kian ? Ouais, bah non, maman. Désolé de t'avoir dérangé avec ma bonne nouvelle, pas si bien. Selon le centre médical de recherche, oui pardon, donc moins 33, c'est 4, voilà, et ils ont dû subir 2 mois plus tard voilà, des amputations, voilà, parce que le truc était, le sang n'est pas revenu. Selon le centre médical de recherche, un hôpital du Missouri a amputé 12 blessés victimes d'engelures ce soir-là, dont des spectateurs du match touchés aux doigts et aux orteils. Voilà, bien sûr, c'est quand même les pas extrémités mal. Qui partent en premier, c'est normal. Attention, les je suis un peu calé en médecine. Les extrémités qui partent en premier, ton nouveau roman qui va apparaître chez Plon. Jérôme, toi, tu es un supporter de Paname, du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu as des souvenirs de matchs comme ça, de supporters qui ne se sont pas bien passés ou des anecdotes un peu marrantes, des trucs Bah, à l'époque, quand il y avait encore tous les fous dans le stade, ouais. Effectivement, j'ai vécu quelques matchs aux abords des stades, notamment un... Je sais pas en fait, ça vous intéresse ou pas ? Je sais pas. Personne n'a répondu. Hein. Ouais, mais tu vois, parce que j'ai compris la vibe, tu vois, je connais, tu vois. C'est vrai que c'est pas très pas débile foot ce soir. C'est voilà. Pas très foot. Bon, et j'ai vu un gars poignarder ah oui, aux abords du stade. Ah oui. Il fait un geste très nonchalant, genre. Bon, tel mec, il l'a fait sans regarder, quoi. Bon, je te poignarde, mais vraiment. Juste parce que tu supportes l'OM. Ils n'étaient bon. Pas du tout d'accord sur la physionomie du claqué, match. Je suis claqué, quoi. Bon, allez. Ouais, et allez, voilà, planté. Mais le gars avait du coup la peau vraiment très molle. Parce ouais, que ouais. C'est, oh, bon, allez. Oh, ça rentre ouais, direct, ouais, putain, voilà. Du beurre. Incroyable. Il y avait une mare de sang. Et ensuite, avec le sang de l'autre, il a fait une sorte de signe. Ah ouais Non, là, t'inventes. Oui. Voilà. Bah alors, on reste dans le foot, vu que ça passionne les gens du public. Il y a quelque chose qui a un rapport avec Messi. Alors, je parle du footballeur, hein, pas du Dogo d'Anatomie du Chute. Oh, bien sûr. Quelque chose ayant appartenu à Messi et qui a été exposé, qui va être exposé à Paris là bientôt, qui est mis aux enchères. En fait, ça fait le tour des grandes villes parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir des enchères énormes. Va être mis en vente. Le prix est estimé entre 350 000 et 580 000 euros. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose de ridicule un peu, enfin, de non, en vrai, c'est assez. Pas ridicule, mais c'est un truc physique. Et c'est un truc assez surprenant quand même. Physique? Oui, c'est un objet. Une touffe quoi. De cheveux. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah. Est-ce que c'est un vêtement? Ce n'est pas un vêtement. Donc quelque chose, un objet qu'il a utilisé? Alors c'est pour ça, en fait, je vous ai mal répondu. C'est pas vraiment un objet. C'est un truc qui a une. C'est pas un l'objet aliment. Qui a une valeur en soi. Ah. C'est ce qu'il y a sur l'objet, sur le truc qui a une valeur en soi. Un test PCR? Pas un test PCR. Ce qu'il y a sur le truc. Une sucette, une. Comment? Avec sa salive, tu veux dire? Ouais. Ah oui, non. Je sens non. qu'on est sur une fausse piste là. Non, ouais. Donc c'est... Alors attends. Ça lui a appartenu? Est-ce qu'il y a sa sueur ça dessus? Ça ne lui a pas appartenu. Très bonne question de Jérôme Niel. Ça lui a pas appartenu. Wow. Et donc, il y a quelque chose de lui dessus? Ah ouais. Non, pas de lui. C'est son ADN qui est sur l'objet. Son ADN n'est pas sur l'objet. Ah bah, photo... regarde pas comme ça, Jérôme. C'est pas moi qui c'est fais quoi, c'est pas son sperme. C'est pas son sperme. Ah merde, alors vous le voyez pas, mais 10 personnes ont quitté la salle. Non, c'est une photo de lui? C'est pas une photo. C'est quelque chose qui le représente? Non, qui ne le représente enfin, pas qu'il représente. Ah, oh, il devient fou. Oh, il devient fou. Adrie Debunk. Non, non, mais je... C'est une c'est statue de lui mystérieux. Ce n'est pas une statue de lui. Non, mais attends, est-ce que ça a déjà approché Messi? Enfin, ça a été dans son entourage proche à un moment donné? Oui, mais ça le concerne directement. Et il était dans l'entourage proche, mais lui n'a pas eu de contact avec cet objet. C'est quelque chose qui... Est-ce que... un peu dans la salle, il y a des gens qui ont la réponse, qui pensent avoir l'avoir. Non. Attends, est-ce que c'est quelque chose qui lui était destiné, mais qui n'y est jamais arrivé jusqu'à lui? Non, pas destiné, mais ça le concerne directement. Quelque chose d'administratif? Ben quasi, enfin on s'approche en tout c'est cas. C'est un acte de naissance? Pas un acte de naissance. Une lettre? Pas une lettre. Je vous le dis, c'est un petit bout de serviette de table, et je vous demande ce qu'il y a sur ce petit bout de serviette. Une signature de table. Entre autres, mais c'est... Et c'est pas sa signature? Ah, alors, la signature de son contrat, non de... C'est ça, c'est le premier contrat de Lionel Messi, vu que c'est Lionel son prénom, comme Lionel Jospin, c'est leur seul point commun. Né en 87 dans un milieu populaire à Rosario en Argentine, tout ça je le sais de tête, hein, je ne l'ai pas lu sur internet. Messi a 13 ans quand il est repéré par la Barça. Oh là là. Bah, la Barça du foot. J'ai bien fait de ne pas épiloguer quand même. Ouais, ouais. Je vois qu'on n'est pas au bon endroit. La Marceline de Tocava. La Barcine du foot, comme on dit. Tout le monde n'en est pas convaincu au club. Et l'affaire traîne en longueur. Et du coup, un des gars qui gère, l'agent Joseph Minguella et Horacio Gaglioni. Pas la peine de prononcer, c'est vraiment, les gens s'en foutent, ça les intéresse pas. Ricardo De Niro, voilà. José Garcia également, voilà. Était là. Et voilà, ils ont fait un contrat en bonne et due forme sur ce bout de serviette qui dit « Je sous-signé, veux signer Lionel Messi », voilà, alors qu'il avait 13 ans en 2000. Pas mal, un petit objet. Bah oui, non, voilà. Mais... c'est sympa. Ouais. Et il y avait un autre objet, donc t'étais pas si loin avec l'ADN. Quelqu'un avait réussi à vendre un mouchoir ayant appartenu à Lionel Messi. C'est le mouchoir avec lequel il aurait essuyé ses larmes lors d'une conférence. Donc après, bah les gars. Il aurait, hein. Donc c'est même pas sûr. Ouais, bah une enchère qui aurait quand même convaincu un acheteur de monter à 1 million de dollars pour le brand, à savoir 915 000 euros. Ah, il a réussi à trouver preneur. Je souhaite tabasser cette personne. Ouais. Et j'aimerais beaucoup. J'entends. Est-ce que vous gardez des objets qui sont importants pour vous? Ouais, mais poignardez comme le supporter de Giroud. Est-ce que vous gardez des objets qui ont compté pour vous? Non. Bah, moi, pas trop, mais là... Figure-toi, depuis la mort de Toriyama, là, ouais. j'ai repris mon petit fascicule de cartes DBZ, ouais, que j'ai gardé avec moi. Donc ça, je l'ai gardé. C'est un des rares trucs que j'ai gardé. D'accord, un truc de nostalgie, du coup. Totalement nostalgique. C'est ça. Là-dessus. Ouais, c'est mignon. Non, moi, pas trop. Ouais. Le seul truc que j'ai de genre mon enfance, c'est une boîte à musique. Un truc que tu tournes comme ça et ça joue une petite musique. Et en fait, quand j'étais petit, mon frère me la mettait pour que je m'endorme. Oh, donc j'ai mignon. Gardé ça, mais après, ça va, c'est pas... Ouais. Ils sont grave engueulés après, vous inquiétez pas. Ouais. Non, pas du tout. Et non, sinon je garde pas trop les trucs, je jette beaucoup de même des trucs. Et parfois même, je regrette. Ouais. C'est-à-dire que je dis, par exemple, de mes parents, j'ai quasiment rien gardé. Ouais. Et je me dis, t'es un idiot. Maintenant, je me dis, j'aurais bien aimé avoir un peu des souvenirs. Le seul souvenir de ma mère que j'ai, c'est, c'est un magnète en forme d'espadrille. Voilà. Ma mère qui est décédée, hein, je parle. Donc, c'est vraiment la seule chose que j'ai en souvenir d'elle. Seul objet, un magnète vraiment de bouf. Voilà. J'adore, je trouve ça très stylé. Voilà. J'ai une dernière question pour vous, après on passera aux recommandations culturelles. Et on en fait aussi. Bah oui, vous pouvez pas me dire que j'en ai fait deux, parce qu'il faut dire qu'on a enregistré un podcast ce matin. Ouais, celui qui est sorti la semaine dernière avec Pyjama. Voilà, de Tarragon, et quand j'ai fait deux recommandations, tu pouvais pas me dire, oh là là, garde-en, parce qu'il y en aura après. Mais tu sais quoi, ce que tu peux faire, c'est me cracher directement à la gueule devant tout le monde. Non, j'y ai pas pensé, excuse-moi, c'est vrai, pardon. Mais d'abord, j'ai une petite question pour vous. Non, mais vas-y. Un Australien de 73 ans a dû subir en urgence une intervention chirurgicale. Et évitons tout de suite tout suspense, c'est évidemment du pénis. Mais à votre avis. Il y avait un suspense. Parce oui, que ça avait le trou du cul. Eh oui, bien sûr. Eh oui, mais c'est ça le floodcast. On sait pas où on trouve. On a un spectre de. Non. On est insaisissable. Ah ouais, on est vraiment insaisissable. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette ablation du pénis? Attends. Pas une ablation, pas du tout. Une ablation, excusez-moi, pardon, oui. De l'urètre. De l'urètre, hein, comment? Ouais. Comment tu peux enlever l'urètre? Je vais te raconter un énorme truc dans l'urètre. Alors, il s'est enfoncé un truc dans l'urètre. La question, c'est quoi? Attendez. Ce n'est pas un câble d'iPhone. Un câble d'iPhone. Non, mais ça, on l'avait déjà raconté dans un podcast, c'est pour ça. Un iPhone. Moi, je pense que c'est... Et le dernier, le Pro Max. J'imagine que c'est quelque chose d'assez large. Eh ben, dis-toi pas tant. Ah. C'est pas tant par la taille de l'objet que le fait qu'il faut pas mettre ça là. Est-ce que c'est quelque même chose... Si en règle générale, c'est un animal. Ne mettez rien. Un animal dans l'urètre. Ouais. Bah, une anguille. Ou un insecte, quoi. Un marcassin, un petit marcassin. Le chien d'anatomie d'une chute, il est partout. Oh. Il est partout. Laissez-le tranquille. Enlevez-le de l'urètre de ce Laissez-le. Mérite des vacances. Non, est-ce que c'est quelque chose de par sa forme qui fait qu'une fois que tu l'as mis, c'est un peu compliqué de l'enlever? Exactement. Genre, comme un hameçon, quoi. Ah. J'ai dit genre comme un hameçon, pas littéralement un hameçon. Comme un hameçon. Est-ce que c'est un hameçon? Mais très bonne question, Adrien. Ce n'est pas un hameçon, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose de si énorme que ça. Mais comme dit, un urètre, c'est pas très large, donc le moindre petit truc, c'est... Voilà, est-ce que quoi. C'est quelque chose qui gonfle? Non, ça ne gonfle tu pas. Tu sais, les... c'est les le gouvernement, tu veux dire? Waouh. Arrête, là. On va avoir des emmerdes. Pense à ton film. Et vous le sortez quand même, mon film, hein. Et vous le sortez quand même. Et hein. Ils vont te le censurer. Ça, ils en sont capables, les mecs. Non, t'es, c'est les... Amenez-moi une pinouse, putain. Je vais fumer une clope devant tout le monde. Il l'a fait par, c'est quoi, par plaisir, c'est quoi, c'était une sorte de, pourquoi il a fait ça? Alors en fait, si je te donne la réponse du pourquoi, je te donne un peu la réponse. Ok. Je peux vous dire, en tout cas, encore une fois, c'est pas un truc énorme, c'est un truc, alors, qui fait quand même 1,3 cm de large dans l'urètre, c'est pas mal. Quand même, ouais, quand même. Donc ça fait à peu près ça. Les gars, attends. Oui, oui, oui, de diamètre, on parle. De la diamètre. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est un objet. Hein. C'est un objet. Une pile. Oh putain. Bah bien sûr. Ouais. Un slow. On peut applaudir la pile dans l'urètre, ouais. Non mais, pardon, mais c'est un classique. C'est pour ça que je l'ai dit si vite. Pardon, mais il y a bien longtemps que j'ai vu une vidéo d'un mec qui se sortait des piles de l'urètre. Bien sûr. Et j'ai bien dit. Et c'était une vidéo d'Amixem. On se met des objets insolites dans l'urètre. Alors là, t'as mis quoi? Bah des piles. Il se sortait des piles. Et les piles de télécommande. Il avait inséré... Alors, non, mais laisse-moi, je suis en train de dire le nombre non, de piles. Non mais c'est pas on des piles. Là, c'est pas des piles de télécommande. Ah. C'est des piles boutons, vous savez, les toutes rondes. Ah oui, mais non, mais. Mais il en a inséré 3. Oh, il y a eu un. Oh putain. Oh putain, parce que deux, la routine. Ouais, deux. Deux, je comprends. Ouais. Trois, t'es gourmand. Une, un jeudi soir. Ouais. Une, c'est même pas la peine. Même pas marrant. Ouais, franchement, je vois pas l'intérêt. Ah, les piles boutons, les piles de Game & Watch. Non, oh, oui, les trois, ouais. Ouais, de montre un peu. Ouais, bien sûr. Ah, ça me fait penser à la Game Gear avec ses 6 piles là. Bah, il avait ça avec sa tub. Wow. L'homme avait alimenté sa propre autosatisfaction en s'enfonçant intentionnellement des piles dans le canal à sens unique. En vrai, je comprends. Ouais, ça y est, t'es. Quand on le dit à haute voix, eh ben pourquoi pas. Mais. Sa bite devait avoir une forme un peu drôle. Un peu un canard, un peu un bec de canard. Oui, je vois ce que tu veux. Mais c'est marrant, je l'ai. Je l'ai. Ouais, non. Tu vois tu ouais, ouais. Je vois Patrick. Et je pense que c'est ça qui l'a motivé à en mettre 3. Ouais, ouais. Il a dit, j'en mets qu'une. Ouais. Il a fait. Oh, ouais, un petit canard. C'est en train de prendre forme. Hop. Et je pense que même il l'a lâché pour que ça fasse pic sur ce qui était déjà dedans, tu vois. Oui, bon, c'est trop de détails. Ah, écoutez. Écoutez, pardon. J'ai jamais fait, hein. J'ai dit ça, j'invente. Non, il invente, là, hein. Il invente, arrêtez. Il invente. Imaginez, il le ferait, c'est dégueu. Ah. Il s'agit du premier cas signalé de nécrose urétale avec insertion d'une pile bouton. T'imagines, eh putain, c'est le 25e cette semaine. Non, bien sûr que c'est le premier cas, frère. C'est écrit sur la boîte de Duracell à ne pas mettre dans l'urètre. S'il vous plaît. Le patient aurait déjà inséré des piles plusieurs fois auparavant sans qu'elles ne restent coincées, c'est-à-dire qu'il les mettait. Monsieur comme... Goujon, encore vous, putain. Non, mais je pense qu'avant il mettait des piles, les piles longues quoi. Puis là, il a dit bon, bah j'en ai plus. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Oh non. Non, ou alors les très grosses, comment t'es. Les piles de vol, ça électrocute, ouais, il les met dans l'urètre directement. Une batterie d'iPhone. Ouais. Oh, lithium, c'est très dangereux. Donc oui, il s'en resterait déjà mis des trucs dans l'urètre. Il a également subi une thérapie par onde de choc sur son membre. Il souffrait de dysfonctionnement érectile depuis 3 ans. Ce qui est un peu marrant parce qu'on dirait qu'il dit « Oh, ça marche plus, bah, je vais mettre des piles. » Les médecins ont rapidement retiré les corps étrangers car leur caractère corrosif peut provoquer une nécrose, à savoir la mort des tissus corporels, en seulement 2 heures. Et à ce moment-là, jusque-là tout allait bien, je vais devenir un peu dégueu. Après plusieurs approches infructueuses, les chirurgiens ont eu recours aux forceps qui ont finalement permis de sortir les piles. Les piles vont bien. Toutes les batteries extraites étaient recouvertes d'un matériau noir ressemblant à du goudron, note l'étude. 10 jours plus tard, l'homme est retourné à l'hôpital se plaignant d'un gonflement et d'un écoulement nauséabond, ce qui a incité les médecins à procéder à une nouvelle opération agressive. Et là, il y avait une grosse pile, là, les grosses, là, qui était cachée au fond. Il y avait la télécommande. Non, mais il y avait la montre dans laquelle il essayait de mettre des piles depuis le début, quoi. Vous n'avez pas compris, c'est comme pas la... des piles dans la bite. C'est dans la montre que j'ai dans l'urètre, ça n'arrête. Je suis pas débile non plus. Je suis pas fou. Mais pas juste des piles dans la tub. Ça n'aurait aucun sens enfin. Oh oui mon dieu. Oh là là, une Rolex. Une flic flac. Je l'ai eu aux Oscars. Et donc les craintes... C'est comme Peter Pan, c'est comme le crocodile qui a l'horloge, c'est pareil, il a une montre dans l'urètre quoi. Les craintes des médecins selon laquelle l'homme développait un degré étendu de nécrose se sont réalisées et une perte de son urètre a dû être réalisée. Ils ont dû enlever un bout d'urètre, voilà, qui est en vente à la sortie du cinéma, pour l'avoir en pendentif. C'est bientôt la fin de ce podcast et donc effectivement si vous avez une recommandation culturelle, quelque chose que vous avez apprécié récemment, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un livre, un podcast. Alors, Jérôme. Jérôme, vas-y, le temps que je réfléchisse. Eh bien moi j'ai... Je suis allé voir le film La vie de ma mère, voilà, au cinéma, réalisé par Julien Carpentier et avec William Lebgill, qui est un très bon ami à moi de toute façon et qui est excellent. Je pense qu'il va avoir le César pour ce film-là. Enfin, j'aimerais qu'il ait au moins une nomination. Et avec Agnès Jaoui, qui est absolument exceptionnelle, qui est un très beau film. Et à la sortie de ce film, on a envie un peu de parler à sa daronne. C'est vrai. Après, non, allez-y, on en a un peu parlé quand William est venu faire le podcast. Très beau film, mais ouais. C'est un très joli film. Et moi, ça m'a beaucoup touché comme film. Je trouve ça très, très fort. Ouais. Des super acteurs et vraiment très, très, très bon film qui passe au Pathé Bellecourt. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Adrien Miel. Et les belles oreilles. Deux choses. Alors, j'avais parlé d'un chanteur qui s'appelle Labi Siffre il y a longtemps. J'avais dit qu'il y avait un album en particulier que j'aimais bien. Je ne l'avais pas cité. Donc, je vais dire cet album donc, de Labi Siffre qui s'appelle The Singer and the Song. C'est très, je ne sais pas comment dire, folk, très, genre, très minimaliste, guitare sèche. Avec, moi, je trouve une voix magnifique et les chansons sont... très douce et très simple en fait et j'aime beaucoup, donc c'est ma première reco. Et ma deuxième reco, c'est un podcast qui s'appelle Méta de choc et qui débunk justement, j'avais même pas prévu ça. Forcément, t'as dû adorer. Non, évidemment. Mais qui se penche pas mal sur tous les trucs un peu new age, genre tous les, je sais pas comment, tout l'astrologie, ces trucs là et en fait qui le fait sans condescendance. Notamment qui le fait en s'appuyant sur des témoignages de gens qui viennent témoigner, qui eux sont tombés par le passé dans ces trucs-là. J'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, toutes les, en gros, un peu des arnaques, hein, on va dire. Mais ils en parlent, mais en fait, sans ridiculiser les gens qui se font avoir par ces trucs-là, ouais, pour dire ça peut toucher n'importe qui, nous-mêmes, ça peut nous arriver, parce que ça repose sur des faiblesses, plus des trucs, voilà, ça vient s'infiltrer dans des failles. Dans lesquelles qu'on peut avoir à tout moment de notre vie. Donc c'est assez intéressant. Et voilà. C'est ma deuxième reco. Très bonne recommandation. Est-ce que quelqu'un a une reco? Oh là, là-bas. C'était très vite là-bas. Allez, vas-y, Jérôme. J'y vais. Non, allez, Jérôme, il adore faire ça, regarde-le. J'y vais. Jérôme de Vermine. Alors, un petit rappeur, Pedro Surplus, que vous trouvez sur Spotify. C'est toi, c'est toi. C'est pas moi, c'est promis, c'est pas moi. Non, okay, promis. Okay. Bah, je me dis qu'il va y avoir quand même une petite recherche derrière pour vérifier que personne n'est problématique. Dieudonné. Oh, moi, j'ai dit Dieudonné. C'est ce que j'essaye de trouver là. J'aurais pas fait une petite recherche Google celui-là, hein, je l'avais plus ou moins en tête hein, quand même. Bon, c'est une recommandation / autopromo. On a un podcast qui s'appelle Des bandes annonces, donc de Lyon aussi, okay, où on analyse la bande annonce des films comparée et on compare avec le film en lui-même et on regarde sur qu'est-ce qu'on attendait du film à la base et quel en est le résultat. Des bandes annonces. Moi, je laisse au montage la promo si vous le faites sur Nous les Leroy, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. On a fait Vermine. Ah, je suis une merde. Non, mais je comprends. Merci on a pour fait le Vermine. Film. Ah, vous l'avez fait Vermine, ah, trop sûr. Cool. Ah. Vermine, il y a une petite histoire, on peut le dire en plus. À un moment, ça devait être une version comme dans Us. Il devait utiliser la chanson God Bless, qui est dans le générique, en version film d'horreur. Et ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Ah. Mais je sais que Douglas, qui a de la musique, l'avait fait. Il y a une version qui existe, que Seb a monté lui-même, où il y avait cette version-là et qu'on trouvait très stylé. Au final, ça n'a pas pu se faire pour X ou Y raison. Okay. Mais voilà. Un petit bonbon pour les cinéphiles. Allez, quand un là-bas, et après, il est minuit, il n'y a plus de resto, et j'ai toujours pas mangé. Donc. Si, au Petit Zinc, c'est ça, vous connaissez, ça ouvre jusqu'à 4 heures. Ah, mais ne dis pas le resto, ils vont tous y aller. Oui, tu pas pas, imbécile. Non, mais je vous adore, mais... Non, mais faites cassez pas les couilles, venez pas. On est entre nous, on a le droit de discuter, quoi, j'ai faim, quoi. Donc ça marche ce truc là, c'est ce que j'ai vu. Bah on va tenter okay. ça. Est-ce que on fait un dernier ou... Allez, un dernier là-bas. Moi j'ai envie d'un dernier là-bas. Jérôme, tu en as marre, je peux y aller. Allez, j'y vais. Allez, désolé, j'y vais. Désolé. J'espère que je vais réussir à expliquer parce que j'ai l'impression d'être C'est pas la trop. En gros, c'est un compte Instagram qui s'appelle Monday's Challenge où chaque semaine en gros, il publie un thème avec une charte graphique en gros avec des couleurs etc. Et après il faut faire une animation du motion design et en gros après il republie certains. Et c'est trop cool, c'est trop joli et ça te plairait de fou, Adrien. Ouais, ça me plaît. Franchement, il est trop cool. Je vais follow. Allez, on prend un dernier. Oui, bonjour. Moi, c'est le film Nous les Leroy. C'est en salle le 10 avril, je trouve ça super. Émotion, rire, allez-y. Oh bah merci monsieur, ça fait trop plaisir. Oh bah merci. Bon, merci beaucoup en tout cas. Ça va, c'était pas trop long. Ça va, cool. Allez, on se lève. Merci énormément. Merci d'être venu voir le film, d'être resté pour les questions. Honnêtement, on s'en parlait avec Jérôme et Adrien. Les salles lyonnaises, c'est l'avant-première qu'on a remplie le plus vite. On a fait 4 séances aujourd'hui, on le fait dans aucune autre ville. Vous avez été très chaud. Et merci beaucoup, quoi, parce que bah, franchement, honnêtement, je pensais pas. Je pensais pas qu'on remplirait les salles comme ça, et ça fait trop plaisir. Y a un engouement autour. Alors, je sais que c'est aussi pour le Floodcast, évidemment, mais vous m'avez fait un super cadeau en venant aussi nombreux pour découvrir ce film. Donc, merci beaucoup pour ça. Et voilà, si le film vous a plu, bah non, mais merci à vous. Et si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que c'est toujours cool. Voilà, pour que le film fasse son chemin jusqu'aux autres spectateurs, en espérant que ça le fasse. Donc voilà, merci d'être venu sur vous, merci d'avoir été aussi réactif. Merci beaucoup. Vous avez été super, merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup.